Chapitre 2e. Rembrandt travailla jusqu'à son dernier jour, en 1674. Il mourut, comme on voit, âgé de 68 ans, laissant un fils, Titus Rembrandt, qui n'hérita point de son génie. Nous n'essaierons pas ici de détailler l'œuvre de Rembrandt. On l'a fait en un volume avec supplément, en omettant beaucoup encore. Nous essaierons de porter avec respect un jugement sur ce grand homme, une des sept gloires de la peinture. Du moulin de son père au tombeau, sa vie ne fut guère variée. Il vivait enfermé en lui-même, ébloui de ses œuvres, parcourant jusqu'à la fin le monde inconnu qu'il avait découvert dans l'art. Sans doute, enivré de gloire et d'or, il ne retrouva pas à Amsterdam un seul des beaux jours que Dieu lui avait donnés à 20 ans, dans le poétique moulin aux ailes légères, qui était sa stalle d'orchestre au grand drame de la création. Mais, dans sa simplicité naïve, sa femme lui fut toujours aimable. Il respirait autour d'elle le parfum doucement agreste des prairies de la maison natale. Chez Rembrandt, le style, c'est l'homme. La pensée de Buffon s'appliquerait plus volontiers au peintre qu'au poète. Il y a dans la tête de Rembrandt quelque chose de sombre et de lumineux, d'abrupt et de fier, de naïf et de dédaigneux, une ligne douteuse, mais une couleur splendide. Il est étoffé comme son talent. Il aime les chaînes d'or, les pendants d'oreilles, les pierres précieuses, les dentelles et les guipures, le velours et la soie, tout ce qui séduit les yeux. Il s'est le plus souvent coiffé d'une toque de velours qui répond l'ombre sur son front. Cette ombre, c'est la pensée. Il portait des moustaches un peu sauvages et des cheveux bouclés. Il laissait à la nature tous ses droits comme dans ses tableaux. Rembrandt est l'une des plus robustes individualités qui est passée dans le monde des arts. Si la peinture n'eût été découverte, il l'aurait inventée. Venu après la période des chefs-d'œuvre italiens et flamands, un homme moins fort se fut contenté d'expliquer, pour ainsi dire, quelques maîtres connus. Il voulut à son tour posséder la clé d'or du génie. La vérité fut sa religion, la lumière sa poésie. Il fut vrai et rayonnant. Hardi dans son art jusqu'à l'insolence, il avait banni les règles consacrées par l'exemple des maîtres. Il peignait à sa fantaisie, tantôt commençant par où les autres finissent, tantôt finissant par où les autres commencent. Ses portraits magiques ont un si grand relief parce qu'ils semblaient plutôt modelés que peindre. On cite de lui une tête où le nez était presque aussi saillant que celui du modèle. Cette façon de faire n'était pas du goût de tout le monde. Rembrandt s'en embarrasse fort peu. Il dit un jour à quelqu'un qui approchait de très près pour voir ce qu'il peignait « Un tableau n'est pas fait pour être flairé. L'odeur de la couleur est malsaine. » Il disait aussi à ceux qui le reprochaient de faire de la peinture raboteuse « Je suis peintre et non teinturier. » Ces deux mots sont deux leçons immortelles. Par son admirable science du clair-obscur, il a produit dans chacun de ses tableaux quelque effet éclatant. Il était si sûr de son pinceau et de sa palette qu'il plaçait chaque ton à sa vraie place d'un seul coup sans être obligé d'y revenir et de le fondre avec d'autres. De là cette fleur si fraîche de coloris. Il se contentait, pour adoucir les teintes et lier les lumières aux ombres, de quelques glacis légers qui faisaient l'harmonie sans altérer la virginité des couleurs. Tout penseur qu'il fût, il était souvent sans élévation. Quelques-uns de ses tableaux d'histoire ne sont que de suprêmes mascarades. Cette épaule véronaise en Hollande contenue dans de plus petits cadres. Cependant, il ne faudrait pas ici prononcer un jugement absolu. Ainsi, la descente de croix, Tobie prosterné devant l'ange, la résurrection de Lazare, le triomphe de Mardoquée, l'adoration des mages, Jésus à Emmaüs, sont de sérieux chefs-d'œuvre animés de lueurs exquises, éclairés çà et là d'un rayon divin. À force de vérité, Rembrandt devient sublime, comme d'autres à force d'élévation et d'idéal. Il y a à Venise une Madeleine de ce maître qui est un chef-d'œuvre d'expression et qui contraste singulièrement avec toutes les Madeleines des maîtres italiens. C'est une belle et simple hollandaise. Mais pour ce sublime poème, n'y a-t-il pas des modèles dans tous les pays? Si elle n'est pas belle par la grandeur des lignes, elle est belle par la douleur et par le repentir. Douleur et repentir de la première fille venue. Mais pourquoi faire toujours de Madeleine une femme trop illuminée des splendeurs du Christ? Un poète par le cœur, une Sappho chrétienne chantant ses péchés plutôt qu'elle ne les pleure. Cette Madeleine de Rembrandt, on voit bien qu'avant de lever les yeux au ciel, elle a aimé les hommes de la terre. On voit bien qu'elle a pleuré de joie avant de reprendre ses belles larmes que le génie a cristallisées. Elle n'est pas nue comme ses sœurs. On la voit à mi-corps et de face, habillée en hollandaise. Elle montre une main admirable, comme les faisait Rembrandt en ses jours de bonne volonté. Elle vit encore de la vie humaine par le cœur, qui est l'orage de la créature. Toutes les passions qui l'ont agitée sur la mer des dangers sont à peine assoupies dans son sein. La Vénus du musée du Louvre pourrait servir de pendant à cette Madeleine. C'est toujours une Hollandaise habillée des pieds à la tête, Rembrandt habillait même les anges. Elle est belle par l'éclat de la vie, par la sève et par la force. Elle est même belle, si l'on peut parler ainsi, par la beauté. Dieu n'en a pas créé de plus victorieuse dans toute la Hollande. Elle a un amour auprès d'elle. On lui en donnerait 20 sans épuiser ses lèvres ardentes et savoureuses. Quand le sculpteur grec eut créé Mars et Vénus, il put tomber agenouillé devant son œuvre en s'écriant « Voilà la beauté dans sa force et dans sa grâce ». Avait-il pris la beauté dans la nature? Il avait rêvé la beauté sur des images imparfaites de la beauté. Il s'était élevé sur la nature jusqu'à l'Olympe. Quand Zeuxis peignit Hélène, il rassembla sous ses yeux 5 jeunes filles d'une beauté sévère et charmante. Mais l'Hélène de Zeuxis fut jugée plus belle qu'aucune des jeunes filles. Cette histoire n'est qu'une allégorie d'un grand enseignement. Choisir la beauté dans la beauté elle-même, n'est-ce pas s'élever à l'idéal tout en demeurant le pied sur la terre? Platon ne veut pas qu'un peintre ou un sculpteur se contente de copier la plus belle femme qui est passée sous ses yeux. Selon lui, un tel artiste ne reproduirait qu'un fragment de la beauté. Aristote dit que les grands maîtres, tout en étudiant avec précision les formes humaines, les font cependant plus belles, parce qu'ils représentent leur caractère bien plutôt d'après le beau universel que d'après le beau individuel. Buffon, qui n'était pas artiste à la manière des peintres ou des sculpteurs, mais qui comprenait aussi la beauté sinon dans les arts, du moins dans la nature, a écrit quelque part « Les anciens ont fait de si belles statues que d'un commun accord, on les a regardées comme la représentation exacte du corps humain le plus parfait. Ces statues, qui n'étaient que des copies de l'homme, sont des originaux, parce que ces copies n'étaient pas faites d'après un seul individu, mais d'après l'espèce humaine entière, bien observée. N'est-ce pas là un hommage éclatant rendu à l'art par l'éloquent auteur de l'histoire de la nature? Ainsi Dieu a éparpillé la beauté, l'artiste l'a réunie. Mais, dans la recherche du beau, il n'y a pas seulement la sévérité de la ligne et la grâce du contour. Le vase d'or le mieux sculpté n'est-il pas celui de l'autel d'où s'échappe un jet des flammes divines? L'histoire de Prométhée dérobant le feu du ciel n'est encore qu'une sublime allégorie. La beauté se forme de divers éléments, parce qu'elle est la beauté physique, la beauté morale et la beauté intellectuelle, parce que l'artiste a dû tour à tour caresser avec la même ferveur les muscles d'Hercule, les lèvres savoureuses de Vénus ou de Madeleine, la tristesse poétique de Psyché et le front pensif de Minerve. Rembrandt caressait tour à tour le front pensif de Minerve et les lèvres savoureuses de Madeleine ou de Vénus. Sa beauté idéale, c'était la pensée et le rayonnement, l'homme qui pense, la femme qui s'épanouit. Ce grand peintre aimait trop éperdument les jeux de la lumière dans l'obscurité. À Munich, il y a un crucifiement par un temps orageux, une mise au tombeau sous une sombre voûte, une résurrection au milieu de la nuit, une nativité devant une lampe, une ascension qui illumine les rayonnements du Christ. Mais ces effets de clair-obscur, ces magnifiques oppositions de jour et de nuit, ne font pas tout le génie du peintre. Ceux qui nient son expression et son style, s'ils étaient demeurés contemplatifs devant ces œuvres étranges, auraient senti que ce grand génie ne vivait pas seulement par la magie de l'exécution. Son âme n'était pas visible dans sa couleur. Il y a toujours, sous une apparence grossière et même çà et là grotesque, un profond sentiment humain. Il est loin de l'idéal chrétien, de ces figures détachées des fonds d'or du Giotto ou des paysages austères du Pérugin. Mais il a sa foi comme les artistes les plus pieux du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il aime la nature sous quelque face qu'elle se présente. Elle est horrible, qu'importe. C'est la nature, une chose sainte et sacrée. S'il a perdu la poésie de l'esprit, n'a-t-il pas celle du cœur? Il proteste par l'éclat et l'exubérance contre la tombe entrouverte où les chrétiens nous enterrent même dans la vie. Rembrandt trouva presque en même temps son génie de portraitiste, de graveur et de paysagiste. À 25 ans, il avait toute sa force. Depuis cet âge, jusqu'à sa mort, il changea çà et là sa manière, mais tout en conservant sa chaude et vigoureuse empreinte. Soit que son travail fût très étudié, soit qu'il peignît avec la rapidité de la foudre, soit qu'il crée un philosophe ou une paysanne, un intérieur hollandais ou un tableau biblique, c'était toujours le même génie viril, solide, éclatant. Le panthéisme doit reconnaître Rembrandt pour son peintre souverain. Après l'idéal antique, après l'idéal chrétien, il trouva l'idéal terrestre, l'idéal de la raison qui voit par l'œil simple. Dans l'œuvre de Rembrandt, on dirait qu'il a voulu supprimer le ciel. Il a pris du limon à ses pieds, et comme un autre créateur, il a sculpté la personnalité humaine avec respect et avec amour. Oui, il y a loin de là, au fond d'or des Byzantins, qui fuyaient la terre et craignaient d'y mettre le pied. C'est un nouveau monde, un monde dans les ténèbres. La lumière de Rembrandt n'est-elle pas celle qui jaillit des ténèbres? C'est l'aube encore douteuse d'un jour nouveau qui sera éclairé par les orages du doute. Quel poème plein de terreur et de mystère! C'est la pensée humaine qui se reconnaît libre et va se briser aux tempêtes futures. Les sombres philosophes de Rembrandt, ceux qui l'ont animé de ses rêves et de ceux de Luther, sont plus tristes que les martyrs de Ribera. Ils ont l'avenir, ils y vont librement, ils sont maîtres du monde. Mais que trouveront-ils dans l'avenir et que leur réserve le monde? Ils ont brisé leurs chaînes, mais c'étaient des chaînes d'amour, des chaînes de lys et de roses tombées du rivage sacré. Les philosophes de Rembrandt, tous nés du protestantisme, semblent se dire tristement « Je suis libre, mais je ne suis qu'un homme. Je puis aller, mais où vais-je ?» Rembrandt fut aussi grand coloriste dans la gravure que dans la peinture. Sa pointe, c'était encore son pinceau tout baigné d'ombre et de lumière. On reconnaît la même touche et le même esprit. Il n'a pas plus imité les graveurs, ses devanciers, qu'il n'avait fait des peintres. Aussi est-il plus vigoureux et plus chaud. On peut hardiment parler des teintes de sa pointe. Ses descentes de croix, ses portraits, ses sujets religieux et profanes, ses paysages, sont d'un effet magique par l'expression, l'énergie et la couleur. On peut admirer Rembrandt dans tous les musées d'Europe, mais c'est à La Haye et à Amsterdam qu'il faut aller saluer son génie. La leçon d'anatomie et la ronde de nuit sont l'expression la plus vive et la plus éloquente de ces deux manières. À 25 ans, il peignit la leçon d'anatomie avec la science, la sobriété, la précision, la touche cachée d'un maître qui n'a plus rien à apprendre de l'art. C'est un chef-d'œuvre dont nul détail ne trahit une main de 25 ans. Plus de 12 ans après, le jeune homme s'était fait homme. Il peignit la ronde de nuit. Alors il déploya toute la fougue, toute la témérité, toute l'exubérance de la jeunesse. Il rebroussa chemin à l'âge où tant d'autres continuent à marcher devant eux. Il ressaisit sa jeunesse et la jeta toute étincelante, pleine de vie féconde, audacieuse, comme un lion qui secoue sa crinière. Rembrandt est un poète sombre, étrange, hardi, bizarre, romanesque. Il joue ses drames sur un fond noir. Il aime le mystérieux jusqu'à la fantasmagorie. C'est un poète né de son temps, comme Shakespeare. Il aime mieux les hardiesses insensées que les beautés connues. La vie tombait de sa palette comme le blé sous la faux, comme l'eau jaillit du rocher, comme la lumière ruisselle du soleil. Il prenait la nature corps à corps et luttait avec elle en intrépide. Il osait être trivial, presque monstrueux. La poésie est partout pour le poète. Il ne reculait devant aucune laideur vivante. Mais, sous sa main féconde, tout prenait une expression fantasque et grandiose. Oui, celui-là a son idéal et son style dans le monde de l'art. Il est vrai de point en point, mais avec un accent bien vif. Oui, il a son idéal familier, visible dans le caractère formidable de sa peinture, dans la profondeur pensive de ses têtes, dans la bizarrerie de ses ajustements, qui ne sont d'aucun temps ni d'aucun pays, dans ses effets de clair-obscur, dans sa touche magistrale couronnée de chaudes vapeurs d'or et d'argent, dans sa manière hardie de distribuer l'ombre et la lumière. Winckelmann, qui pleurait d'admiration devant l'Apollon du Belvédère, demeurait rêveur tout un jour devant une tête pensive de Rembrandt. Le génie de ce grand artiste est presque inexplicable. Il est à la fois brutal et délicat, heurté et harmonieux, farouche et tendre. Quel chaos, mais quelle lumière! Quel tumulte, mais quelle gravité! Quelle crinière flamboyant de lion, mais quel sourire de paix! Quel amour voluptueux des ténèbres et des rayons! Quelle audace aveugle et quelle sagesse raisonnée! Quelle modération dans la force! Il est fougueux jusqu'à la furie, original jusqu'à l'extravagance. Mais comme au milieu de toutes ces fantaisies et de toutes ces témérités, il demeure en pleine vérité, le pied cloué sur la terre, dans sa fierté dédaigneuse et sauvage. Rembrandt a égalé la puissance de la nature. Comme elle, il a répandu d'une main large et féconde la vie sur ses œuvres. Rembrandt n'a pas imité par l'imitation, mais par la création. Il s'est élevé jusqu'au prodige. Ne pourrait-on pas comparer Rembrandt à un comédien qui arrive à l'improviste sur le théâtre, affublé d'un costume invraisemblable comme pour jouer la comédie? On le trouve si original, si franc, si bizarre, qu'on sourit et qu'on se promet de rire beaucoup de sa comédie. Mais peu à peu, sa figure s'éclaire d'un rayon magique. On l'écoute, on ne rit plus. Ce n'est pas la comédie, c'est le drame qu'il joue. Un drame sombre et gai, le drame humain, comme Shakespeare. Il est si éloquent dans ses haillons, si trivial sous sa toque de velours, si poétique et si pittoresque dans son franc-parler, tout ce semé d'images bibliques et populaires, qu'il vous étonne, vous transporte et vous donne le vertige.